Chapitre 16e, le festin des écoles. Elle n'allait pas au combat, elle ne marchait pas à la rencontre de l'ennemi, cette armée commandée par des prêtres et par des femmes. Et cependant, sa musique jouait des airs guerriers, et en jugé par les yeux et l'attitude de quelques-uns, de Miss Keldar par exemple, ses airs éveillaient un esprit sinon martial, du moins plein d'ardeur. Le vieux Hellstone, se retournant par hasard, aperçut le visage de Shirley et ne put retenir un rire qu'elle comprit et qu'elle partagea. « Il n'y a aucune bataille en perspective, dit-il. Notre pays n'a pas besoin que nous combattions pour lui. Aucun ennemi ou tyran ne met en question ou ne menace notre liberté. Il n'y a rien à faire. Nous exécutons seulement une promenade. Serrez les rênes, capitaine, et comprimez le feu de cette ardeur. Nous n'en avons pas besoin, et c'est tant pis. »« Gardez votre avis, docteur, » répondit Shirley. Puis elle murmura à Caroline, « Je veux emprunter à l'imagination ce que la réalité ne me donnera pas. Nous ne sommes pas des soldats, le carnage n'est point mon désir, ou, si nous en sommes, nous sommes soldats de la croix. Je veux m'imaginer que le temps a remonté de quelques siècles en arrière, et que nous accomplissons un pèlerinage en Palestine. Mais non, cela n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un rêve plus sombre. Nous sommes des Lowlanders d'Écosse, suivant un capitaine du Covenant en haut des montagnes, pour tenir un meeting hors de l'atteinte des soldats des persécuteurs. Nous savons que la bataille peut suivre la prière, et comme nous croyons que, dans la plus fâcheuse issue du combat, le ciel doit être notre récompense, nous sommes prêts à rougir volontiers le sol de notre sang. Cette musique remue mon âme, elle éveille toute ma vie, elle fait battre mon cœur, non avec son pouls tempéré de chaque jour, mais avec une nouvelle et pénétrante vigueur. Je désire presque avoir un danger à affronter, une foi, une patrie, ou au moins un bien-aimé à défendre. « Regardez, Shirley, » interrompit Caroline. « Quelle est cette tache que l'on aperçoit au sommet de la hauteur de Steelbrow ? Vous avez meilleure vue que moi. Tournez donc de ce côté votre œil d'aigle. » Miss Keldar regarda. « Je vois, » dit-elle, puis elle ajouta aussitôt, « il y a une ligne rouge. Ce sont des soldats, des cavaliers, » dit-elle vivement. « Ils vont au galop, ils sont six, ils vont passer près de nous. Non, ils ont tourné à droite. Ils ont vu la procession, et ils l'évitent en faisant un détour. Où vont-ils ? Peut-être ne font-ils qu'exercer leurs chevaux. Peut-être bien. Nous ne les voyons plus maintenant. » Ici, M. Hellstone éleva la voix. « Nous allons passer à travers Royd Lane, afin d'arriver plutôt à Nunley par la traverse, » dit-il. Et en conséquence, l'armée s'engagea dans le défilé de Royd Lane. Ce défilé était fort étroit. Si étroit que deux seulement pouvaient passer de front sans tomber dans le fossé qui le bordait de chaque côté. On était arrivé au milieu, quand un mouvement d'excitation se manifesta parmi les commandants. Les lunettes de Bowlby et le large chapeau de Hellstone s'agitèrent, et les vicaires se firent des signes. M. Hall se tourna en souriant vers les ladies. « Qu'y a-t-il donc ? » leur fut-il demandé. Il étendit son bâton vers l'extrémité du défilé devant eux. Une seconde procession, une procession d'un autre genre, s'engageait aussi dans le défilé, conduite également par des hommes vêtus de noir, et suivie, ainsi qu'on pouvait l'entendre, par de la musique. « Est-ce que ce serait l'ombre de la nôtre ?» demanda Shirley. « Si vous désiriez une bataille, vous êtes à peu près certaine de l'avoir, au moins une bataille de regard, » murmura en riant Caroline. « Ils ne passeront pas !» s'écrièrent unanimement les vicaires. « Nous ne céderons pas !»« Céder !» répondit Hellstone sévèrement, se tournant vers eux. « Qui parle de céder ?»« Vous, garçons, pensez ce que vous avez à faire. » Les ladies, je le sais, seront fermes. Je peux compter sur elles. Il n'y a pas ici une femme dévouée à l'Église qui ne soit disposée à soutenir la lutte contre ces gaillards-là, pour l'honneur de l'établissement. Qu'en dit Miss Keldar ? Elle demande ce que c'est. Les écoles des dissidents et des méthodistes, les baptistes, les indépendants, les wesleyens, réunis dans une alliance impie et s'engageant à dessein dans le défilé pour obstruer notre marche et nous faire reculer. Mauvais procédé, dit Shirley, et je hais les mauvais procédés. Ils méritent assurément une leçon. Une leçon de politesse, suggère M. Hall, qui était toujours pour la paix. Non, un exemple de violence. Le vieux Hellstone se mit en marche, hâtant le pas. Il marcha un peu en avant de sa compagnie. Il avait presque joint les autres chefs noirs, quand celui qui paraissait agir comme le commandant-chef de l'armée hostile, un gros et gras personnage à cheveux noirs lissés sur le front, commanda une halte. La procession s'arrêta. Il tira un livre d'hymne, désigna le verset, donna le ton, et tous entonnèrent avec ensemble le plus douloureux des cantiques. Hailstone fit signe à ses musiciens. Ils éclatèrent avec toute la puissance des cuivres. Il leur commanda de jouer le Rule Britannia et ordonna aux enfants d'accompagner vocalement, ce qu'ils firent avec une ardeur enthousiaste. L'ennemi fut foudroyé, son psaume interrompu. Sous le rapport du bruit, il était terrassé. « Maintenant, suivez-moi !» s'écria Hailstone. « Non à la course, mais d'un pas ferme et vif. Soyez fermes, enfants et femmes. Soutenez-vous les uns les autres. Tenez-vous par les pans de vos vêtements si c'est nécessaire. » Et il marcha en avant d'un pas si roide et si déterminé, et il fut en outre si bien secondé par les écoliers et leurs maîtres, qui firent exactement ce qu'il leur avait dit, et marchèrent avec une ferme et solide impétuosité. Par les vicaires aussi, forcés de faire de même, placés qu'ils étaient entre deux feux, Hailstone et Miss Keldar, qui tous deux surveillaient toute déviation avec une vigilance de lynx, et étaient prêts, l'un avec sa canne, l'autre avec son parasol, à réprimer la plus légère infraction aux ordres, que les dissidents furent d'abord étonnés, puis alarmés. Ils reculèrent et se pressèrent en arrière, et à la fin, ils furent forcés de tourner les talons et de laisser libre le défilé de Road Lane. Boulby souffrit un peu dans la mêlée, mais Hailstone et Malone le soutinrent entre eux, et il sortit de la bagarre avec tous ses membres, mais avec une respiration quelque peu gênée. Le gras dissident qui avait entonné l'hymne fut laissé assis dans le fossé. C'était un marchand de spiritueux, un chef de non-conformiste, et l'on dit qu'il but plus d'eau dans cet après-midi qu'il n'en avait avalé pendant les 12 mois précédents. M. Hall avait pris soin de Caroline, et Caroline de lui. Miss Keldar et M. Hailstone se pressèrent cordialement les mains lorsqu'ils eurent glorieusement fait passer toute l'armée à travers le défilé. Les vicaires commençaient à triompher, mais M. Hailstone mit un frein à leur innocente ardeur. Il leur fit observer qu'ils n'avaient jamais eu le bon sens de savoir ce qu'ils devaient dire et qu'il ferait mieux de retenir leur langue. Il leur rappela qu'ils n'avaient été pour rien dans la conduite de l'affaire. Vers 3h30, la procession se retourna, et à 4h, elle était arrivée à son point de départ. De longues lignes de bancs furent placées dans les champs récemment fauchés autour de l'école. Les enfants s'y assirent, et d'énormes paniers couverts de linge blanc et de vases d'étain fumant furent apportés. Avant la distribution des mets, un court bénédicité fut prononcé par M. Hall et chanté par les enfants. Ces jeunes voix, retentissant ainsi en plein air, étaient mélodieuses et même touchantes. De larges gâteaux et du thé chaud et bien sucré furent distribués avec la plus grande libéralité. Aucune limite n'était posée, pour ce jour du moins. La règle était que chaque enfant reçut au moins 2 fois autant qu'il pouvait manger, afin qu'il lui restât une réserve qu'il pût emporter à la maison pour ceux auxquels l'âge, la maladie ou d'autres empêchements n'avaient pas permis de venir au festin. Des gâteaux et de la bière circulaient aussi parmi les musiciens et les chantres d'église. Plus tard, les bancs furent enlevés et tous purent se livrer sans contrainte à leur jeu. Une cloche appela les maîtres, les patrons et les patronesses dans la salle d'école. Miss Keldar, Miss Hailstone et plusieurs autres ladies étaient déjà là, examinant l'arrangement de leurs différents services et de leurs tables. Une grande partie des domestiques femelles du voisinage, avec les femmes des chantres, des clercs et des musiciens, avaient été mises en réquisition pour le service de ce jour. Toutes avaient mis leurs plus frais atours, et parmi les plus jeunes, il y en avait de fort jolies. Une dizaine était occupée à couper le pain et le beurre, une autre dizaine à apporter l'eau prise aux chaudières de la cuisine du recteur. La profusion des fleurs et de la verdure qui décoraient les murs, l'éclat des théières d'argent et de la porcelaine qui couvraient les tables, l'activité qui régnait de toutes parts, les visages joyeux, les toilettes brillantes, tout cela formait un aimable et réjouissant spectacle. Tout le monde parlait non très haut, mais joyeusement, et les canaris faisaient entendre dans leur cage leurs chants les plus aigus. Caroline, en qualité de nièce du recteur, prit place à l'une des 3 premières tables. Mrs. Boulby et Marguerite Hall présidaient aux 2 autres. C'est à ces tables que devait se placer l'élite de la réunion, les strictes règles de l'égalité n'étant pas plus pratiquées à Briarfield qu'ailleurs. Miss Hailstone se débarrassa de son chapeau et de son écharpe, afin d'être moins incommodée par la chaleur. Les longues boucles de ses cheveux, retombant sur son cou, lui tenaient presque de voile, et sa robe de mousseline, d'une coupe modeste si presque semblable à celle d'une religieuse, la dispensait de s'encombrer d'un châle. La salle se remplissait. M. Hall avait pris son poste à côté de Caroline, qui, tout en terminant l'arrangement des tasses et des cuillères, lui faisait à voix basse des remarques sur les événements du jour. Il paraissait un peu préoccupé de ce qui était arrivé à Road Lane, et elle s'efforçait de le distraire. Miss Kelder était assise près d'eux. Chose étonnante, elle ne parlait ni ne riait. Au contraire, elle était fort calme et portait autour d'elle des regards vigilants. Elle semblait craindre que quelqu'un intrus ne s'emparât d'une place demeurée vide à côté d'elle, et qu'elle réservait bien évidemment à quelqu'un. De temps à autre, elle étalait sa robe de satin sur cette place réservée, où il déposait ses gants ou son mouchoir brodé. Caroline s'aperçut enfin du manège et lui demanda quel ami elle attendait. Shirley se pencha vers elle, effleura presque son oreille de ses lèvres roses et murmura, avec cette douceur que prenait sa voix lorsque ce qu'elle avait à dire était de nature à éveiller quelque secrète source de plaisir dans son cœur. J'attends M. Moore, je le vis hier soir, et lui fis promettre de venir avec sa sœur et de prendre place à notre table. Il ne me manquera pas de parole, j'en suis sûr. Mais je crains qu'il n'arrive trop tard et ne soit séparé de nous. Voilà une nouvelle fournée qui entre. Toutes les places vont être prises, c'est insupportable. Et en effet, M. Wine, le magistrat, sa femme, son fils et ses deux filles firent en ce moment leur entrée solennelle. Ils faisaient partie de l'aristocratie de Briarfield. Leur place était marquée à la première table. Ils y furent conduits et remplirent tout l'espace demeuré vacant. Pour l'agrément de Miss Kelder, M. Sam Wine s'empara de la place réservée à M. Moore, se plantant résolument sur sa robe, sur ses gants et sur son mouchoir. M. Sam était l'un des objets de son aversion, d'autant plus qu'il affichait de sérieuses prétentions à sa main. Le vieux gentleman aussi avait publiquement déclaré que le domaine de Fieldhead et celui de Walden étaient délicieusement contagieux, ce que la rumeur publique n'avait pas manqué de répéter à Shirley. Les oreilles de Caroline tintaient toujours de ce vibrant murmure « J'attends M. Moore » qui faisait encore battre son cœur et colorait ses joues lorsque les notes de l'orgue éclatèrent sur le bruit confus de l'assemblée. Le docteur Boulby, M. Headstone et M. Hall se levèrent. Tout le monde les imita. Le bénédicité fut chanté avec accompagnement de musique et le thé commença. Caroline était trop occupée de son office pour avoir le temps de regarder autour d'elle. Mais, la dernière tasse remplie, elle jeta un regard inquiet à travers la salle. Plusieurs gentlemen et plusieurs ladies demeuraient encore debout et n'avaient point de siège. Au milieu d'un groupe, elle reconnut sa vieille amie, Miss Mann, que le beau temps et quelques sollicitations avaient déterminé à quitter sa triste solitude pour jouir de quelques heures de plaisir. Miss Mann semblait fatiguée de se tenir debout. Une lady en chapeau jaune lui apporta une chaise. Caroline reconnut ce chapeau jaune. Elle reconnut les cheveux noirs, la figure bienveillante, quoique renfrognée, que surmontait ce chapeau. Elle reconnut la robe de soie noire et même le châle gris de lin. Enfin, elle reconnut Hortense Moore, et elle eut l'idée de franchir tous les obstacles, de courir à elle et de l'embrasser, de lui donner un baiser pour elle et deux pour son frère. Elle se leva même à moitié, avec une exclamation étouffée, et peut-être, car l'impulsion était violente, se serait-elle précipitée à travers la chambre si une main ne l'eût retenue sur sa chaise et si une voix derrière elle ne lui eût murmuré « Attendez après le thé, Lina, et je l'amènerai vers vous. » Et aussitôt qu'elle put de nouveau lever les yeux, elle regarda. Robert lui-même était là, non loin d'elle, qui souriait à son ardeur. Il lui parut mieux qu'elle ne l'avait jamais vu. Il sembla même si beau à ses yeux fascinés qu'elle n'osa pas hasarder un second coup d'œil. Car cette image éblouit son regard d'un éclat douloureux et s'imprima dans sa mémoire comme si elle eût été daguerréotypée par un rayon de l'éclair. Il s'avança et parla à Shirley, qui, irrité par quelques attentions importunes de Sam Wine, et parce que ce gentleman demeurait assis sur ses gants et sur son mouchoir, et probablement aussi par le manque de ponctualité d'amour s'était rendu coupable, n'était rien moins que de bonne humeur. Elle haussa d'abord les épaules, puis lui lança un ou deux mots amers sur son insupportable lenteur. Moore ne répliqua ni ne s'excusa. Il s'assit tranquillement à côté d'elle, comme s'il attendait qu'elle fût calmée, ce qu'elle fit en moins de 5 minutes. Elle lui offrit sa main, qu'il prit avec un sourire moitié grondeur, moitié reconnaissant. Un imperceptible mouvement de tête marquait distinctement la première qualité de ce sourire. Il est probable qu'une aimable pression de main exprimait la seconde. « Vous allez vous asseoir où vous pourrez maintenant, Monsieur Moore, » dit Shirley, souriant aussi. « Vous voyez qu'il n'y a pas un pouce de place pour vous ici. Mais je vois un espace vide à la table de Monsieur Boulby, entre Miss Armitage et Miss Burt Whistle. Allez, John Sykes sera votre vis-à-vis, et vous nous tournerez le dos. » Cependant, Moore préféra rester où il était. De temps à autre, il faisait le tour de la grande table, s'arrêtant pour saluer d'autres gentlemen qui, comme lui, étaient sans place. Mais il revenait toujours vers son aimant, Shirley, apportant avec lui des observations qu'il était nécessaire de lui murmurer à l'oreille. Pendant ce temps, le pauvre Sam Wine semblait loin d'être à son aise. Sa jolie voisine, en jugée par ses mouvements, paraissait d'une humeur peu égale et peu accommodante. Elle ne restait pas tranquillement assise pendant 2 secondes de suite. Elle avait chaud, elle faisait jouer son éventail, se plaignait du manque d'air et d'espace. Elle faisait hautement la remarque que, dans son opinion, lorsque les gens avaient fini de prendre leur thé, ils devaient quitter la table et annonçait qu'elle allait se trouver mal si l'état des choses continuait. Monsieur Sam lui offrit de l'accompagner dehors. « Vrai moyen de le faire prendre en rhume mortel, » dit-elle. Bref, son poste n'était plus tenable, et après avoir avalé son quantum de thé, il jugea à propos d'évacuer la place. Moore eut d'être prêt à s'en emparer, tandis qu'il se trouvait à l'autre bout de la salle, en profonde conférence avec Christophe Sykes. Un grand marchand de grains, Timothy Ramsden, Esquire, qui se trouvait plus rapproché et était fatigué d'être debout, s'avança pour s'emparer de la place vacante. Mais les expédients de Shirley ne lui firent pas défaut. Un mouvement de son écharpe renversa la théière, dont le contenu se répandit partie sur l'endroit du banc demeuré vacant et partie sur sa robe de satin. Il fallut appeler un garçon pour réparer le malheur. Monsieur Ramsden, gentleman gros et bouffi, dont la personne était aussi vaste que la fortune, se retira aussitôt. Shirley, ordinairement d'une indifférence coupable pour les petits accidents affectant la toilette, s'agita d'une façon qui eût fait honneur à la plus nerveuse lady. M. Ramsden ouvrit la bouche, se recula lentement, et comme Iskeldar menaçait de se laisser aller et de tomber en pâmoison à l'endroit même, il tourna sur ses talons et opéra une lourde retraite. Moore revint enfin. Examinant avec calme le brouhaha et souriant malicieusement de la contenance énigmatique de Shirley, il fit à part soi la remarque que le climat de ce bout de la salle était véritablement le plus chaud et qu'il ne pouvait convenir qu'à des tempéraments froids comme le sien. Puis, jetant de côté garçon, nappe, robe de satin, etc., il s'installa lui-même à la place qui lui était évidemment marquée par sa destinée. Shirley s'apaisa, ses traits changèrent, son front crispé et l'inexplicable courbe de sa bouche reprirent leur expression naturelle. Tous les mouvements anguleux à l'aide desquels elle venait de vexer le pauvre Sam Wine furent calmés comme par un charme. Et cependant, elle ne jeta à Moore aucun regard gracieux, au contraire. Elle l'accusa de lui avoir donné un monde de contrariété et lui reprocha d'être cause de la perte qu'elle venait de faire de l'estime de M. Ramsden et de l'inappréciable amitié de M. Samuel Wine. « Je voudrais pour tout au monde n'avoir offensé ni l'un ni l'autre de ces gentlemen, » dit-elle. « J'ai toujours eu coutume de les traiter tous deux avec la plus parfaite considération, et aujourd'hui, grâce à vous, comment ont-ils été reçus ? Je ne serais pas tranquille que je n'aie réparé cette sottise. Je ne puis être heureuse sans l'amitié de mes voisins. Ainsi, demain, il me faudra faire un pèlerinage au moulin de Royd, caresser le meunier, louer le grain. Et le lendemain, je devrais aller à De Walden, où je déteste d'aller, et porter dans mon réticule la moitié d'un gâteau d'avoine pour les chiens d'arrêt favoris de M. Sam. Vous connaissez le plus sûr chemin du cœur de chacun d'eux, je n'en doute pas, » dit tranquillement Moore. Il paraissait très content d'avoir enfin trouvé sa place, mais il ne fit aucune belle phrase pour exprimer sa reconnaissance et n'offrit aucune excuse pour le trouble qu'il avait causé. Son flegme lui allait d'ailleurs merveilleusement. Il était si sérieux, si posé, qu'il en paraissait encore plus beau. On aimait à se trouver dans son voisinage, tant le calme de sa personne était communicatif. On n'eût pas pensé, en le voyant là, qu'il était un pauvre homme luttant contre la ruine, assis à côté d'une riche lady. Le calme de l'égalité se peignait sur son visage. Peut-être régnait-il aussi dans son cœur. De temps à autre, à la manière dont il baissait son regard sur Miss Keldar en lui parlant, vous eussiez pu croire qu'il la dominait par sa position autant que par sa taille. Des éclairs presque austères sillonnaient son front et brillaient dans ses yeux. Leur conversation était devenue animée, quoiqu'elle fût contenue dans un diapason inférieur. Elle le pressait de questions. Évidemment, il refusait de donner satisfaction à sa curiosité. Elle chercha une fois son œil avec les siens. On lisait dans leur douce mais ardente expression qu'elle sollicitait des réponses plus catégoriques. Moore souriait agréablement, mais ses lèvres ne se desserrèrent pas. Alors elle parut piquée et lui tourna le dos, mais en 2 minutes il rappela son attention. Il semblait lui faire des promesses qu'elle avait l'air d'accepter comme des confidences. Il paraît que la chaleur de la salle ne convenait point à Miss Helstone. Elle devint de plus en plus pâle à mesure que le thé s'avançait. Aussitôt que les grâces eurent été récitées, elle quitta la table et se hâta de suivre sa cousine Hortense, qui, avec Miss Mann, avait déjà cherché le grand air. Robert Moore s'est élevé en même temps qu'elle, peut-être avec l'intention de lui parler. Mais il fallait échanger le mot d'adieu avec Miss Keldar en la quittant, et pendant ce temps, Caroline avait disparu. Hortense accueillit son ancienne pupille avec plus de dignité que de chaleur. Elle avait été sérieusement offensée de la conduite de M. Helstone et avait toujours blâmé Caroline d'obéir trop littéralement à son oncle. « Vous êtes tout à fait une étrangère, » dit-elle pendant que son élève lui prenait les mains qu'elle serrait dans les siennes. Caroline la connaissait trop bien pour se plaindre de sa froideur. Elle laissa passer ce petit accès de délicatesse outrée, bien sûr que sa bonté naturelle ne tarderait pas à prendre le dessus. En effet, Hortense n'eut pas plutôt remarqué le visage et les traits amaigris de sa cousine que son air s'adoucit. L'embrassant sur les deux joues, Lina lui demanda anxieusement des nouvelles de sa santé. Elle eut probablement été forcée de subir un long interrogatoire, suivi d'une plus longue mercuriale sur ce chapitre, si Miss Mann n'eût détourné l'attention de la questionneuse en la priant de la reconduire à la maison. La pauvre invalide était déjà fatiguée. Sa lassitude la rendait maussade, trop maussade presque pour parler à Caroline. De plus, les vêtements blancs et l'air joyeux de cette jeune personne déplaisaient à Miss Mann. Sa robe d'étoffée brune ou de guingant gris de tous les jours et son air mélancolique habituel convenaient plus à la solitaire vieille fille. Elle voulut à peine reconnaître ce soir-là sa jeune amie et la quitta avec un froid salut. Hortense ayant promis de la reconduire chez elle, elles partirent ensemble. Caroline chercha leur Shirley. Elle aperçut son écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel et sa robe pourpre, dans le centre d'une réunion de ladies, toutes d'elles bien connues, mais qu'elle avait l'habitude d'éviter systématiquement toutes les fois qu'elle le pouvait. Plus timide en certains moments que dans d'autres, elle ne se sentait précisément alors nul courage de se joindre à cette compagnie. Elle ne pouvait cependant pas demeurer seule quand tous les autres se réunissaient par paire ou par groupe. Elle s'approcha donc d'une réunion de ses propres écolières, grandes filles ou plutôt jeunes femmes, qui regardaient quelques centaines de plus jeunes enfants jouer au Colin Maillard. Miss Helstone savait que ces jeunes filles l'aimaient, et cependant elle était timide même avec elles en dehors de l'école. Elle ne leur inspirait pas plus de crainte qu'elle n'en ressentait elle-même pour elles. Si elle s'approchait de leur groupe en ce moment, c'était plutôt pour trouver protection à leur compagnie que pour les patronner par sa présence. Par instant, elles sentirent sa faiblesse et leur civilité naturelle la leur fit respecter. Son instruction commandait leur estime lorsqu'elle les enseignait. Sa gentillesse attirait leur regard. Et parce qu'elle était considérée comme douce et bonne dans l'exercice de ses fonctions, elles oublièrent généreusement son évidente timidité en ce moment et n'en tirèrent aucun avantage. Toutes paysannes qu'elles fussent, elles avaient trop de sa propre sensibilité anglaise pour se rendre coupables de cette grossière erreur. Elles l'entourèrent poliment et affectueusement, accueillant ses légers sourires et ses efforts pour engager la conversation avec une bienveillance et une civilité qui la mirent aussitôt à son aise. M. Samwine, arrivant en grande hâte pour insister afin que les grandes filles se mêlassent au jeu aussi bien que les jeunes, Caroline demeura encore une fois seule. Elle méditait une tranquille retraite à la maison lorsque Shirley, remarquant de loin son isolement, s'empressa de la rejoindre. « Montons en haut des champs, » lui dit-elle. « Je sais que vous n'aimez pas les foules, Caroline. Mais ce sera vous priver d'un plaisir, Shirley, que de vous enlever à ce beau monde qui vous courtise si assidûment et auquel vous pouvez, sans un ni effort, vous rendre si agréable. » « Non, pas tout à fait sans effort. Je suis déjà fatigué de la tâche. C'est un insipide et ingrat exercice que de causer de rire avec ces bonnes gens de Briarfield. Depuis 10 minutes, je cherche à découvrir votre blanc costume. J'ai plaisir à observer ce que j'aime au milieu de la foule et à les comparer avec les autres. Je vous ai comparé. Vous ne ressemblez à aucune de celles qui sont ici, Lina. Il y a ici de plus jolis visages que le vôtre. Vous n'êtes pas, par exemple, une beauté comme Harriet Sykes. À côté d'elle, votre personne paraît presque insignifiante, mais vous avez l'air agréable, vous avez l'air réfléchi, ce que j'appelle intéressant. Ah, Shirley, vous me flattez. Je ne m'étonne pas que vos écolières vous aiment. Vous plaisantez, Shirley. Parlons d'autre chose. Nous allons parler de Moore, alors, et nous allons le surveiller. Je le vois en ce moment. Où ? Et en faisant cette question, Caroline ne regardait point à travers les champs, mais dans les yeux de Miss Keldar, comme elle avait l'habitude de faire toutes les fois que Shirley mentionnait un objet qu'elle découvrait au loin. Son amie avait meilleure vue qu'elle, et Caroline semblait penser que le secret de la subtilité d'aigle de son regard pouvait se lire dans l'iris gris sombre de son œil, ou plutôt, peut-être, cherchait-elle à se guider par la direction de ces deux vifs et brillants petits globes. « Voilà l'amour, » dit Shirley, indiquant un point à travers le vaste champ où un millier d'enfants jouaient, et où un nombre égal de spectateurs adultes se promenaient çà et là. « Là-bas, pouvez-vous ne pas distinguer sa haute stature et son port droit ? Il ressemble, au milieu de la foule qui l'environne, à Eliab parmi les plus humbles bergers, à Saül au milieu d'un conseil de guerre. Et c'est bien en effet, si je ne me trompe, un conseil de guerre. « Et pourquoi cela, Shirley ?» demanda Caroline, dont l'œil avait à la fin saisi l'objet cherché. « Robert parle en ce moment à mon oncle, et il se donne une poignée de main. Ils sont donc réconciliés. » « Et non sans de bonnes raisons, soyez-en sûrs. Ils font cause commune contre l'ennemi commun. Et pourquoi pensez-vous que Messieurs Wine, Sykes, Armitage et Ramsden se pressent en cercle autour d'eux ? Et pourquoi font-ils signe à Malone de les joindre ? Quand on appelle celui-là, croyez-le, c'est qu'on a besoin d'un bras vigoureux. » Shirley, en regardant, devint agité. Son œil lançait des éclairs. « Ils n'ont pas voulu se fier à moi, » dit-elle. « C'est toujours ainsi lorsqu'arrive le moment. » « De quoi s'agit-il donc ?»« Eh, ne le sentez-vous pas ? Il y a quelques mystères en jeu. On attend quelque événement. Des préparatifs se font, j'en suis certaine. Je l'ai vu dans la contenance de Moore ce soir. Il était animé et cependant dur. Dur pour vous, Shirley ? Oui, pour moi. Il est souvent dur pour moi. Il nous arrive rarement de converser tête à tête. Mais il m'a souvent fait sentir que le fond de son caractère n'est pas détendant. Cependant, il paraissait vous parler avec douceur. Assurément. Ton très aimable et manière charmante. Et cependant, l'homme est péremptoire et réservé. Sa réserve m'agace. Oui, Robert est réservé. Et il a à peine le droit de l'être avec moi. D'autant moins qu'il a commencé par me donner sa confiance. N'ayant rien fait pour perdre cette confiance, elle ne devrait pas m'être retirée. Il pense sans doute, je suppose, que je n'ai pas l'âme assez vigoureuse pour qu'il puisse se fier à moi dans une crise. Il craint probablement de vous causer de l'inquiétude. Précaution inutile! Ma nature est élastique et ne se laisse pas facilement déprimer. Il devrait savoir cela. Mais cet homme est fier. Il a ses défauts, quoi que vous puissiez dire, Lina. Remarquez combien ce groupe est animé. Il ne se doute pas que nous les observons. Avec de la vigilance, Shirley, nous pourrons peut-être trouver le fil de leurs secrets. Il y aura quelques mouvements inaccoutumés avant peu, demain, cette nuit peut-être. Mais mes yeux et mes oreilles sont grands ouverts. Monsieur Moore, vous serez sous ma surveillance. Vous aussi, soyez vigilante, Lina. Je le serai. Robert part. Je l'ai vu se retourner. Je crois qu'il nous a aperçus. Les voilà qui se donnent des poignées de main. Oui, ils se pressent les mains avec chaleur, ajouta Shirley, comme pour ratifier quelques ligues solennelles. Elle vit Robert quitter le groupe, passer à travers une porte et disparaître. Et il ne nous a pas dit au revoir, murmura Caroline. À peine ces mots se furent-ils échappés de ses lèvres, qu'elle essaya par un sourire de cacher le désappointement qu'il semblait trahir. Des larmes involontaires vinrent un moment humecter et illuminer ses yeux. « Oui, nous y aurons bientôt remédié, » s'écria Shirley. « Nous le forcerons de nous dire adieu. »« Le forcer, cela n'est pas la même chose, » répondit Caroline. « Ce sera la même chose. Mais il est parti, vous ne pourrez le rejoindre. Je connais un chemin plus court que celui qu'il a pris. Nous lui intercepterons le passage. Mais Shirley, j'aimerais mieux ne pas y aller. » Caroline dit cela comme Miss Kildare lui saisissait le bras et l'entraînait en bas des champs. Il était inutile de résister. Rien n'égalait l'obstination de Shirley lorsqu'elle avait un caprice en tête. Caroline se trouva hors de la vue de la foule presque avant qu'elle pût se rendre compte de ce qu'elle faisait et fut entraînée dans un passage étroit et ombreux dont la voûte était formée de hautes épines et le tapis de marguerites. Elle ne fit nulle attention au soleil du soir qui traçait une marqueterie sur le gazon, ni au pur encens qui s'exhalait en ce moment des plantes et des arbres. Elle entendit seulement le guichet qui s'ouvrait à une extrémité du passage et comprit que Robert approchait. Les longues branches d'épines qui se dressaient devant elle formaient une espèce d'écran. Elle le vit avant qu'il ne pût les apercevoir. D'un coup d'œil, Caroline vit que sa joyeuse hilarité était passée. Il l'avait laissée derrière lui dans les champs où les écoliers prenaient leurs ébats. Il ne lui restait plus que son air sombre, calme et préoccupé. Ainsi que l'avait dit Shirley, une certaine rudesse caractérisait son expression, tandis que son œil était animé, mais austère. La fantaisie de Shirley était donc parfaitement hors de saison. S'il avait paru bien disposé, passe encore, mais en ce moment. « Je vous avais dit de ne pas venir, » dit Caroline, avec une certaine amertume, à son amie. Elle paraissait réellement troublée. Être ainsi jetée sur le passage de Robert, malgré elle, lorsqu'il ne s'y attendait pas et qu'évidemment il ne tenait pas à être retardé, la contrariait très vivement. Cela n'ennuyait pas le moins du monde, Shirley. Elle s'élança au-devant de son tenancier et lui barrant le chemin. « Vous avez oublié de nous dire adieu, » dit-elle. « J'ai oublié de vous dire adieu. Et d'où sortez-vous donc? Êtes-vous des fées? J'en ai laissé deux semblables à vous, l'une vêtue de pourpre et l'autre de blanc, debout sur le haut d'un talus, quatre champs plus loin, il n'y a qu'une minute. Vous nous avez laissés là, et vous nous retrouvez ici. Nous vous avons surveillés, et nous vous surveillerons encore. Vous serez un jour questionnés, mais pas aujourd'hui. À présent, tout ce que vous avez à faire est de nous dire bonsoir et de passer. » Moore regarda de l'une à l'autre sans changer de contenance. « Les jours de fête ont leurs privilèges, ainsi que les jours de péril, » dit-il gravement. « Allons, ne moralisez pas. Dites bonsoir et passez, » répondit Shirley. « Dois-je vous dire bonsoir, Miss Keldar ?»« Oui, et à Caroline aussi. Il n'y a rien là de nouveau, j'espère. Il vous est arrivé déjà de nous dire bonsoir à toutes deux. » Il prit sa main, la tint dans l'une des siennes et la couvrit avec l'autre. Il abaissa son regard sur elle gravement, avec bienveillance, mais avec autorité. L'héritière ne pouvait faire de cet homme son sujet. Dans la manière dont il regardait ce charmant visage, il n'y avait aucune servilité, à peine de l'hommage, mais il y avait de l'intérêt, de l'affection, rehaussé par un autre sentiment, quelque chose dans le ton dont il lui parlait, aussi bien que dans les expressions dont il se servait, disait que ce sentiment était la gratitude. « Votre débiteur vous souhaite une bonne nuit. Puissiez-vous reposer tranquillement et sûrement jusqu'au matin ?» « Et vous, Monsieur Moore, qu'allez-vous faire? Que disiez-vous à Helstone, avec lequel je vous ai vu échanger des poignées de main? Que faisaient tous ces gentlemen autour de vous? Mettez pour une fois de côté la réserve, soyez franc avec moi. » « Qui pourrait vous résister? Je serai franc. Demain, s'il y a quelque chose à relater, vous l'entendrez. » « Parlez maintenant, » insista Shirley. « Ne remettez pas à demain. » « Mais je ne pourrai vous dire que la moitié d'une histoire, et mon temps est limité. Je n'ai pas un moment à perdre. » « Plus tard, je ferai amende honorable de ce délai par ma franchise. »« Mais vous rentrez à Hollow ?»« Oui. »« Pour n'en plus sortir cette nuit ?»« Certainement. »« À présent, adieu à toutes deux. » Il eût certainement voulu prendre la main de Caroline pour la joindre dans les siennes à celle de Shirley, mais elle ne se trouvait point à sa portée. Caroline s'était éloignée de quelques pas. Sa réponse à l'adieu de Moore fut seulement une légère inclinaison de tête et un tendre et sérieux sourire. Il ne chercha pas de plus cordial témoignage. Il répéta de nouveau adieu et les quitta. « Voilà, c'est fini, » dit Shirley lorsqu'il fut parti. « Nous l'avons obligé de nous dire bonsoir, et n'avons rien perdu dans son estime, je pense, Carrie. »« Je l'espère, » répondit brièvement Caroline. « Vous me paraissez bien timide et bien peu démonstrative, » dit Miss Keldar. « Pourquoi n'avez-vous pas donné votre main à Moore ? Lorsqu'il vous a offert la sienne, il est votre cousin. Vous l'aimez. » Avez-vous honte de lui laisser apercevoir votre affection? Il en aperçoit tout ce qui peut l'intéresser. Il est inutile de faire étalage de sentiments. Vous êtes laconique. Vous seriez stoïque si vous le pouviez. Est-ce qu'à vos yeux l'amour serait un crime, Caroline? L'amour un crime? Non, Shirley. L'amour est une vertu divine. Mais pourquoi amener de force ce mot dans la conversation? Il est singulièrement déplacé. Bien, dit Shirley. Les deux jeunes filles parcoururent le verdoyant passage en silence. Caroline, la première, reprit. Chercher les attentions d'un homme, lui faire des avances est un crime, mais l'amour. L'ange le plus pur ne devrait point en rougir. Et lorsque je vois ou que j'entends homme ou femme associer une idée de honte à l'amour, je déclare leur intelligence grossière, leur association dégradée. Nombre de ladies et de gentlemen qui se croient raffinés, et aux lèvres desquelles est continuellement suspendu le mot vulgarité, ne peuvent mentionner l'amour sans trahir leur naturelle et imbécile dégradation. Dans leur esprit, c'est un sentiment bas qui ne rattache qu'à des idées d'abjection. Vous décrivez ainsi les trois quarts du monde, Caroline. Ils sont froids, ils sont lâches, ils sont stupides sur ce sujet, Shirley. Ils n'ont jamais aimé, ils n'ont jamais été aimés. Vous avez raison, Lina. et dans leur profonde ignorance ils blasphèment contre ce feu divin, ravi par un séraphin, un divin autel. Ils le confondent avec l'étincelle qui monte de l'enfer. Le soudain et joyeux carillon des cloches mit fin au dialogue en rappelant tout le monde à l'église.